Noël en Russie par Elie Alperine-Kaminski. Noël est une des grandes fêtes russes. Les solennités religieuses commencent la veille et durent jusqu'au jour des rois, le 6 janvier. Avec ces fêtes éminemment chrétiennes, coïncident les vieilles coutumes de divination, de magie, de quasi-sorcellerie, d'origine païenne. C'est la femme qui demeure principalement attachée à cette tradition antique. La plus suivie par les jeunes filles est celle qui permet de découvrir le fiancé à venir. Les procédés varient. On fait verser de la cire dans un récipient d'eau bouillante, et pour connaître sa destinée, on examine la conformation des arabesques que dessine la cire fondue. Plus fréquemment encore, la patiente reste de longues heures, la nuit, seule, immobile, le regard fixe, devant un verre d'eau au fond duquel gît une pièce neuve d'argent, attendant anxieusement l'apparition du prédestiné, blond ou brun, suivant le rêve formé, mais toujours beau et hardi. Cette posture prolongée, la solitude, la tension de tout l'être produisent généralement l'effet voulu. À la grande joie, mêlée de frayeur de la jeune fille, l'homme rêvé se reflète sur la surface brillante de l'argent. Mais gare à elle, qui se retourne pour s'assurer de la réalité de l'apparition. De fait, ces jeux innocents, qui exigent néanmoins un certain courage, se terminent parfois d'une façon tragique. Enfant, j'ai entendu ma vieille bonne conter la sombre aventure d'une de ses amies de village, qui, au lieu du prédestiné, aperçut dans la glace, devant laquelle elle était assise, un cercueil. Elle se leva vivement et tomba évanouie. La secousse que produisit ce présage de la mort fut si violente qu'elle ne put s'en remettre, et quelques mois après, elle mourut en effet. Il est un autre procédé de divination, l'attitude des oiseaux, des coqs et des poules en particulier. Les Chaldéens, les Grecs, les Romains en usaient, l'avaient même érigé en institution, et c'est évidemment de Byzance qu'il fut introduit en Russie. Un archevêque de Novgorod, Guennadi, qui a vécu au XVe siècle, le signale déjà, dans son envoi, comme devenu traditionnel dans son pays. Dans l'Ukraine, la divination du promis est teintée de charme. Les jeunes filles se réunissent dans la plus spacieuse des katas, des chaumières, en faisant cercle autour d'un petit tas de grains de blé au sommet duquel est déposée une bague. On introduit dans le cercle un coq qui, en picorant, rencontre le corps dur et le rejette. La bague roule et vient tomber aux pieds de l'une des assistantes. C'est celle qui se mariera dans l'année qui vient.